Mère des croyants. Ummahat al-mu'minin sont les mères des croyants, singulier, Umm al-mu'minin, c'est-à-dire les femmes du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chacune d'elles est considérée comme la mère des croyants, et ainsi, elles doivent être respectées et tenues en haute estime. Il fut strictement interdit, après la mort du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de se marier à l'une d'entre elles. Khadija, qu'Allah l'agrée, avec qui il se maria avant le début de la révélation, fut sa première épouse. Elle fut la première femme à croire en son message. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'épousa alors qu'il n'avait que 25 ans et elle 40 ans. Elle lui donna deux garçons, Al-Qasim et Abdallah, qui étaient surnommés Al-Tayyib, celui au bon cœur, et Al-Tahir, le pur, et quatre filles, Zainab, Fatima, Ruqayya et Umm Kulthum. Les autres femmes avec qui le prophète se maria après la mort de Khadija furent Sauda bint Zum'a, Aisha bint Abi Bakr, Hafsa bint Umar, Zainab bint Jahash, Zainab bint Khuzaima, Umm Salama, Hind bint Umayya, Umm Habiba, Ramlah bint Abi Sufyan, Juwayriya bint al-Harith, Safiyyah bint Huyay ibn Akhtab, Maymunah bint al-Harith,